Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. C'est toujours à l'émission Assemblage requis en compagnie de Kiwan et Mathieu et on accueille tout de suite Simon Fitzbé. Bonjour Simon Fitzbé. Bonjour messieurs, ça va bien? Oui, très bien. Merci beaucoup, toi ça va? Oui, ça va très bien, merci. Ta nouvelle émission, on s'appelle, on déjeune, est excellente? Bien, merci beaucoup. Mmh, et pareil comme, pas pareil, mais c'est quand même pas mal en tout cas. Comme je dis, en fait, c'est le même contenu, même concept qu'on avait depuis la dernière semaine, mais avec un nouveau nom, pas mal meilleur. Un nouveau bol, un nouveau contenant, c'est très, très feng shui, je trouve. Ouais. Moi, j'aime beaucoup la pièce que dans ta pub, dans ton auto-promo. C'est vrai. D'écœurante. La pièce dans mon auto-promo? Ouais. Ouais, ben c'est pas moi qui l'ai choisi, donc tous les mérites reviennent à Danny Janvier. OK. En fait, toutes les qualités sont présentes dans Danny Janvier. Ben oui. Ouais, c'est l'homme parfait, l'homme idéal. Voilà. Ne cherchez plus Danny Janvier. En passant, belle coupe de cheveux aussi. Merci beaucoup. Voilà. Bienvenue à toi. Et quoi, question? Ils sont pas aussi beaux que ceux de Kiwan avec un patch genre d'un bord et les cheveux coupés courts de l'autre, là, mais ça va venir éventuellement. T'es pas un homme symétrique, mais t'es un homme velu. T'as pas voulu garder le pad, toi, Simon? Eh non, ben je pouvais pas. Comme je vous disais, si je serais revenu avec un pad, j'aurais probablement passé toutes les nuits cette semaine sur mon divan inconfortable, donc j'aimais mieux. Mais au avec moins, clean cut. Si t'avais dormi sur le divan, t'aurais peut-être été courbaturé un peu, mais t'aurais pas eu froid au cou. Oh, ça c'est vrai. C'est vrai parce que je commence à avoir froid, là, justement, j'avais les cheveux relativement longs, puis ouais, c'est frais. Hey, j'ai entendu à ton émission que tu parlais qu'on dormait ensemble dans le sous-sol du studio de C'est fou. Non, pas ensemble. On avait des lits de camp, mais c'est séparé. C'est ça, faut faire des clarifications. Oui. On dort dans le sous-sol de C'est fou, mais c'est séparé des petits lits de camp. Si tu veux, on peut mettre une séparation entre les murs aussi. Non, j'irai pas jusque-là. Hein. Parce que, anyway, il va falloir peut-être mettre une séparation. Sophie Laforêt aurait intéressé à aussi à emménager dans le sous-sol. Fait que... Ouais. Ouais. Bref. Ça, je dis, t'aurais dû garder ton pad, donc t'aurais pu nous habiller tous les deux. Merci. Okay. Ouais, effectivement. Comme dans Opération Beurre de Pinot. J'ai pas vu ça. Non? Ah, t'as pas vu Opération Beurre de Pinot? Non, j'ai pas vu que la garde des trucs non plus. Rien vu de tout ça, moi. Attends. Fuck la chronique, fuck comme l'animal. On là, arrête la le fond, c'est tout, la chronique ça, est finie. On oublie la chronique pour le moment. Là, t'as pas vu la garde des trucs? Non. T'as pas... Regarde-moi, j'ai justement mon DVD La Garde des Tucs, donc on va l'écouter tout de suite. Hey! Ben non, mais tu peux l'écouter, ça va être-tu sur le câble là, qu'on a, là, Coco quelque chose, eux autres, ils le donnent gratuitement. Ah! Ouais, tu peux l'écouter gratuitement sur le terminal, tu l'as pas ça. Si c'était sur tout.tv, là. Opération Beurre de Pinot aussi, d'ailleurs, je pense. Oui, tous les films, en fait, de la... Comment ouais, c'est une série, je me souviens pas comment ça s'appelait. La Fête. Tous les films de La Fête sont gratuits là-dessus. Donc c'est vraiment génial. La grenouille et la baleine et tout ça. Bon, c'est ici qu'on arrête. T'as pas vu La Guerre des Tucs? Non. Fait que quand t'écoutes la toune Cléo de Mister Valeur, t'as aucune référence. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils disent là-dedans. Non. Eh ben, parce que c'est du sampling, La Guerre des Tucs. Ah ouais? Ouais. Bon. Kiwan, maintenant on accueille Simon Fitzbé pour la chronique Paul is Dead. On dirait que tu te sens mal, Mathieu. Ah, à peine. Moi qui prends beaucoup trop en considération les gens qui écoutent les meilleurs moments et qui n'auront pas ces merveilleuses 3 minutes 20 de contenu additionnel. Désolé pour vous. Ben, ça sera dans les bonus features quand on va sortir le gros DVD avec tous les meilleurs moments de la saison. Un méga coffret, ça, hein? Ok, oui. Et bah, écoutez, on va pouvoir se refaire de l'argent. Ok, donc, Simon Fitzbé, bienvenue pour ta chronique sur Kurt Cobain. Oui, Kurt Cobain, donc, comme on le sait, la semaine dernière, j'avais présenté Courtney Love et Kurt Cobain, un peu l'histoire d'amour, d'attirance, pas amour-haine nécessairement, mais amour-domination d'un certain sens de la part de Courtney Love. Et on continue un peu sur cette lancée cette semaine avec Courtney Love donc, et Kurt Cobain, mais plutôt Kurt Cobain qui s'est fait assassiné selon certains, qui s'est suicidé selon d'autres. Donc, ça va comme suit. Les artistes qui meurent prématurément ont l'habitude de créer un genre de fascination maladive chez certains de leurs fans et autres obsédés qui cherchent à connaître la vérité à tout prix. Ils sont souvent motivés par de grands doutes et autres genres de pseudo-vérités qui leur font croire que l'artiste sur lequel ils fondent leur obsession n'est effectivement pas mort ou qu'une manigance se cache derrière les causes de sa mort. Dans le cas particulier qu'on va voir aujourd'hui, celui de Kurt Cobain, plusieurs personnes contribuent à alimenter la théorie du meurtre plutôt que l'explication logique du suicide de la rockstar. Certaines personnes s'acharnent jour et nuit afin d'amasser des preuves que Kurt Cobain est en fait la victime d'un large complot en première tête Courtney Love afin d'éviter la débandade et la perte de ses acquis, bien sûr, aurait orchestré le tout. Souvenons-nous que le statut de veuve paye mieux que le statut d'ex-femme, hein, faut le dire. Ah oui? Bon, oui, quand tu divorces, t'as juste la moitié, puis ce qui a été fait là, tandis que quand t'es veuve, t'as tout. Faut que tu sois assuré, j'imagine. En plus du capital de sympathie, en plus. Oui, le capital de sympathie qui fait que, bien souvent, tu peux pratiquement te monter une carrière avec ça. Comme on en avait parlé un peu de Courtney Love, qui avait eu une carrière quand même assez florissante après la mort de Kurt Cobain. Donc, avant d'aborder ce sujet, on va se remettre en situation. Nous sommes en mars 1994. Kurt Cobain, célèbre chanteur du groupe Nirvana, a tenté de se suicider quelques mois plus tôt. Donc, il est interné dans une clinique de désintoxication à Los Angeles pour traiter sa dépendance à l'héroïne qui, depuis quelques temps, lui cause d'énormes pensées suicidaires. Le soir du 2 avril, Kurt s'enfuit de sa clinique et combat tout le monde. Le soir du 2 avril, Kurt Cobain s'enfuit de sa clinique et quitte également Los Angeles pour retourner dans la région de Seattle. Le lendemain matin, c'est la branle-bas de combat. Tout le monde à Seattle tente de trouver Kurt Cobain. Bizarrement, on savait qu'il était plus à Los Angeles, là, qu'il s'était retrouvé à Seattle. Et tout le monde part. Tous? Non. Une seule personne fait rien. Une personne a décidé de rester à Los Angeles et d'engager un détective privé, le détective Tom Grant, pour effectuer les recherches à sa place. Cette personne est Courtney Love. Évidemment. Mon premier soupçon. Tom Grant est engagé le 3 avril 1994 afin de retrouver Kurt Cobain. Il débute les recherches avec Dylan Carlson, le meilleur ami de Kurt Cobain, un ami de lorsqu'il n'était pas connu encore. C'est rare, ça, de garder ces amis-là. Le 6 avril, Grant inspecte la maison de Kurt Cobain sans y trouver aucune trace du chanteur. Par contre, il aurait dû mieux regarder puisque le corps inanimé du chanteur est trouvé à l'étage supérieur du garage par un électricien. Il est atteint d'une décharge de carabine de type 12, calibre 12, dans le visage et son portefeuille lui sert d'identifiant. Et c'était le 7 avril, donc le lendemain. Mais sa mort a été déclarée en fait au 5 avril, donc il a été mort pendant 2 jours avant d'être retrouvé. La police conclut au suicide, mais Tom Grant et d'autres gens de l'entourage de Kurt Cobain ne croient pas au suicide et que ça soit une théorie qui tienne la route. Selon eux, c'est Courtney Love et Michael DeWitt, le nanny plutôt de Frances Bean Cobain, la fille de Kurt et Courtney, donc c'était un homme qui s'occupait de l'enfant, qui sont coupables. D'autres, comme le père de Courtney Love, ciblent sa fille. Il dit ouvertement que c'est probablement sa fille qui a tué Kurt Cobain. Selon eux, plusieurs évidences étant l'anglicisme de preuve, en se faisant garocher des petits cartons. Les incorrigibles qui nous pitchent des affaires, c'est quoi ces cartons-là? On regardera tantôt. Ben oui. Donc, merci, là! Patrick Laperrière, tantôt, les incorrigibles. C'était une parenthèse? Oui, cut. Cut. Et voilà, selon eux, plusieurs évidences prouvent qu'il y a eu meurtre de au lieu de suicide. On va voir ici la liste des preuves que Tom Grant a ramassées. Donc, entre autres, le divorce. Selon Tom Grant, Kurt Cobain en avait marre de Courtney Love et voulait mettre fin à son mariage, et non pas à ses jours. Donc, une semaine avant la mort du chanteur, Courtney Love aurait demandé à son agent de lui trouver l'avocat spécialiste du divorce le plus véreux qui y ait aux États-Unis. En divorçant, Kurt Cobain s'assurait de garder pour lui et sa fille ses gains futurs, donc l'argent qu'il aurait fait après son divorce, et aussi donc au moins 50% de ses revenus. Donc l'autre moitié serait probablement là à Courtney Love en cours et tout ça, mais quand même aurait gardé la majorité de son argent. Courtney Love avait bien à perdre donc dans un divorce. Elle aurait eu droit quand même à une forte somme, mais c'est comparé à peu à ce qu'elle aurait pu avoir en tant que veuve. Donc elle aurait tué Kurt Cobain pour l'argent et pour éviter le divorce. Oui, il y a aussi une carte en moins. Lorsqu'on a retrouvé le portefeuille de Kurt Cobain, une carte de crédit manquait. Et la dite carte a été utilisée jusqu'au jour où le corps a été retrouvé. Donc, même du 5 au 7 avril, cette carte de crédit-là a été utilisée. Vous savez, bien souvent, lorsque un tueur à gages commet son crime, il peut aller se servir dans le portefeuille de ses victimes pour augmenter son revenu. Donc, il y a un tarif fixe pour avoir tué la personne, mais il peut servir aussi pour se faire un petit peu plus d'argent sur le côté. Et dois-je rappeler aussi que le portefeuille de Kurt Cobain était à côté de son visage. Donc, il n'était pas dans sa poche, il l'avait laissé, selon les policiers, à côté de lui. Kurt Cobain aussi avait une fascination maladive avec les armes à feu. Tu sais, je vous avais parlé la semaine dernière qu'il avait vendu toutes les armes qui se trouvaient dans sa maison lorsqu'il avait 9 ans pour s'acheter une guitare. Et bien, quand même, il y a eu un style de fascination lorsqu'il est devenu une star pour les armes à feu. Il y en avait une panoplie, et entre autres l'arme de calibre 12 qu'il a utilisée pour mettre fin à ses jours. Mais la raison de son obsession, selon Tom Grant, toujours, représente que Kurt Cobain, en fait, avait peur pour sa vie et que c'était une protection plutôt qu'une façon de s'enlever la vie. Donc, d'ailleurs, lorsqu'il avait fait sa tentative de suicide quelques mois auparavant, c'était en se coupant les veines, c'était pas avec un arme à feu. Donc, il y aurait eu d'autres raisons, d'autres façons de le faire, selon lui. Et la fameuse note qu'il aurait laissée, ça, les fans de Nirvana l'ont toutes lu, l'ont toutes vu sur les sites internet. Kurt Cobain, avant de mourir, avait pris le soin d'émettre une note à ses fans, à sa femme ainsi qu'à sa fille. Souffrant de dyslexie et de problèmes importants de structure et de syntaxe dans ses textes, la lettre est pratiquement incompréhensible. Franchement, pour avoir essayé de la lire à maintes reprises, je peux vous dire que c'est n'importe quoi, c'est un charabia. Et Grant aussi met de l'avant que cette lettre ne serait pas, comme les policiers l'ont déclaré, une lettre de suicide, mais plutôt une lettre à ses fans où le chanteur expliquait qu'il quittait le monde de la musique et non pas la terre, non pas la vie. Et de plus, les cinq dernières lignes, oui, de la lettre concernant Courtney Love et Francis Bean Cobain auraient, selon plusieurs spécialistes, été rajoutées à la fin. Donc, ça a été rajouté par un autre main d'écriture qui aurait tenté... Parce que Kurt Cobain avait une main d'écriture assez... Particulière. Oh, il écrivait vraiment mal. Et on voyait tout de suite que c'était lui qui avait écrit ça. Sauf les cinq lignes qui sont vraiment... Puis on peut le voir sur n'importe quel site internet que vous allez taper Kurt Cobain, Suicide Note, des choses comme ça. Vous allez trouver cette fameuse lettre-là. Et tout simplement dans l'espacement aussi des lignes, on peut voir que c'est n'importe quoi. Il avait écrit la lettre, entre autres, c'était dirigé la lettre envers son ami imaginaire d'enfance, qui s'appelait Boda. Mais en fait, c'était une façon donc d'interpeller ses fans. Mais ça aurait été transformé, selon Tom Grant, en lettre de suicide. Et entre autres, Courtney Love aussi avait une seconde note chez elle, une seconde lettre qui aurait été une explication pour la première, pour cette lettre-là qu'on comprenait pas. Kurt aurait laissé un autre papier disant que... Oui, c'était pour ses fans, pour dire qu'il quittait Seattle, qu'il quittait la musique, qu'il voulait plus rien savoir, dans le fond, d'être connu. Mais ça, elle l'a ressorti, en fait, c'est qu'elle en aurait parlé dans une entrevue, et donc Tom Grant s'est mis aussi sur ce dossier. Et reste l'héroïne. Kurt Cobain était héroïnomane, comme je vous avais parlé la semaine dernière. Et selon les rapports officiels qu'avance encore Tom Grant, lui toujours, qui en fait, il a beaucoup travaillé sur le dossier, Kurt Cobain aurait eu plus de 3 fois la dose mortelle d'héroïne dans le sang, ce qui aurait donc causé sa mort déjà au départ. Il avait effectivement 1,52 mg d'héroïne dans le sang. Il aurait donc fallu qu'il s'injecte 3 fois la dose mortelle, qui est à dire 225 mg en tout. Malgré le fait qu'il y ait accoutumance, il faut savoir tempérer. À un moment donné, c'est sûr que tu es habitué, mais si c'est une dose mortelle, que tu sois accoutumé ou non, ça va être une dose mortelle. Et de plus, avec autant de drogue dans le sang, aurait-il pu prendre l'arme, c'est-à-dire une carabine quand même, qui n'est pas nécessairement une arme de poing, qui est quand même lourde, la prendre et la braquer vers sa tête et tirer la gâchette, alors qu'un drogué en overdose n'arrive même pas à déglutir naturellement? Donc, c'est les grosses questions que se pose Tom Grant. Et avant de continuer, on va aller entendre une pièce tirée de l'album Nevermind de Nirvana, dernière pièce de cet album, qui se nomme Something in the Way, qui est une pièce que Kurt Cobain avait écrite à l'époque où il était fugitif, ou en fait qu'il fuguait de chez ses parents. Il avait écrit ça sous un pont, donc dans ses périodes de fugue. On écoute ça à Assemblage Requis dans le bloc Paul is Dead avec Simon Fitzbay. Thank you. T'es dérangeant, Patrick Laperrière. Quand la lumière est allumée en haut, là. C'était pas allumé, mais non, c'est, on parlait pas, mais on avait, en tout cas. Hein. Ben, c'est pas grave. On se prend pas ça. En tout cas, on sait que t'as le goût de fumer. Je vais venir te fumer une cigarette dans la face, tantôt, attends moi. Il a tenu le défi. Ben, ça, c'est tantôt dans le chronique. Ben oui, que là, faire ça. Wow, tu blows pas tes punch. Il va aller faire un shooting photo. T'as, OK, bye. T'es fin. J'ai reçu la toune. Merci. Super cool, hey Colin, c'est du behind the scenes, hein? On se créerait à Much Music ou la radio commerciale. Hey, c'est cœur. C'est fou. Cut ici. Hey, Simon Fitzbay, c'était une bonne tune ça. Ben oui, c'était la pièce Something in the Way de Nirvana, tirée de l'album Nevermind de 1991. Très très bonne pièce. Comme je l'expliquais, c'était une pièce que Kurt Cobain a écrite alors qu'il était en fugue sous les ponts dans sa petite ville d'Aberdeen, dans la région de Washington. En fait, dans l'État de Washington. Et c'était dans le bloc Paul is Dead, dans le cadre d'Assemblage requis, dans le cadre de C'est fou 89.1 FM. Dans Trois-Rivières, dans l'UQTR, dans La Vie. La Vie, est c'est fou, c'est la vie. Et là, on parle de Kurt Cobain, de sa vie, de sa mort et de tout ce qui est autour. Oui, je viens vous parler un peu du mystère de la mort de Kurt Cobain, meurtre au suicide. En fait, je suis rendu à la conclusion. Donc, si vous êtes syntonisé à ce moment-là, à ce moment-ci-là... C'est tout raté. Ben, en fait, non, il y a la conclusion qui est bonne pareil, mais c'est sûr que ça explique pas grand-chose. C'est comme arriver à la fin d'un film, je veux dire, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, des fois, il y a des bonnes fins. C'est... Ouais. En tout cas, on va essayer de ramener les gens vers ceci. Ils écouteront les meilleurs moments vendredi matin à 6h30 et les samedis à 14h et ils entendront peut-être cette chronique-là au complet. En balado-diffusion. Sur cif.ca. Ben oui. Donc, plusieurs facteurs nous offrent différentes pistes de réponse en ce qui concerne la mort de Kurt Cobain. Meurtre ou suicide, il reste que ce dossier a su captiver et captive toujours de nombreux fans qui tiennent à obtenir ce qu'ils croient être la vérité. Parce que là, il y a vraiment une question de perception qui vient s'y mêler. Ça va faire 16 ans que Tom Grant travaille sur le dossier avec les mêmes conclusions. Le meurtre cruel de Cobain par sa femme avide de richesses. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet, il a paru dans certains films, il a fait beaucoup d'entrevues. D'autres croient également que c'est un complot, mais certains blâment le gouvernement. D'autres blâment que Courtney Love a agi seul. D'autres disent qu'elle aurait engagé des personnes douteuses de Seattle, des choses comme ça. Donc. Mais c'est tellement épais comme dossier, on pourrait en parler pendant une semaine. Ouais, le gouvernement, c'est... Le gouvernement, ça, c'est un peu poussé, mais tu sais, il y en a qui disaient que... Ah, vu qu'il était il y avait une popularité quand même assez immense et que lui, dans le fond, promouvait un peu l'anarchie, mais l'anarchie molle des jeunes, c'est-à-dire faites rien, habillez-vous tout croche, puis lavez-vous plus les cheveux. Et peut-être que les gouvernements en place n'auraient pas aimé ça. C'est une théorie parmi tant d'autres. C'est pas du tout tiré par les cheveux. Non, c'est ça, puis même d'ailleurs... Cheveux gras, d'ailleurs. Il y en a qui pensent aussi que Kurt Cobain aurait juste faké sa mort et qu'il serait encore vivant quelque part... Sur une île avec Elvis. Sur une île où ça s'est fait opérer, puis ça serait le chanteur de Nickelback maintenant. C'est des choses comme ça. C'est ça, ou Sideshow Bob. Sideshow Bob, ben oui, ça peut être n'importe quoi. Donc, si Courtney Love, en fait, non, c'est pas ce que j'allais dire. C'est reste que, oui, Kurt Cobain est mort, rien peut le ramener. Hein? Ça, c'est clair. Ben, ça, c'est toi qui le dis. Mais quand même, t'sais, officiellement, il est mort. Et quand même, s'il aurait faké sa mort, il reviendrait pas plus tard. De toute façon, tout le monde le traitait de fou. Le traiterait de fou. Moi, je crois pas à Kurt Cobain. Je suis un Kurtéiste. Athéiste. Ouais. Ah, OK. Ouais, je comprends. Si Courtney Love a été capable d'une telle abomination et avec une instabilité mentale comme la sienne, on peut se dire que peut-être qu'elle a été capable de le faire quand même, si le doute reste là. Elle va quand même devoir vivre avec ça jusqu'à la fin de ses jours. Il va falloir qu'elle regarde sa fille dans les yeux à tous les matins, mais quoi qu'elle s'est fait enlever souvent à cause de questions de garde assez bizarres. En tout cas, elle se fait enlever sa fille, elle se la fait remettre, tout dépendant de si elle est jugée apte à la garder ou non. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, laissons Kurt Cobain en paix. Écoutons sa musique. C'est le plus bel héritage qu'il ait pu nous laisser. Mm-hmm. Donc, voilà. Le dossier est clos pour moi. Kurt Cobain est mort. Point. Mais penses-tu, toi, qu'un jour, elle pourrait arriver, je sais pas, peut-être que Courtney Love, dans son testament, ou je sais pas, à sa mort, va dévoiler quelque chose qui va surprendre tout le monde? Penses-tu que ça peut arriver? Ça pourrait arriver, mais ça m'étonnerait. On sait que la mère de Sid Vicious l'a fait. Là. Ouais, elle avait dit ça. Qu'elle avait tué son fils, mais c'était pas la même situation. Elle a pas été accusée pendant des dizaines d'années comme Courtney Love. De toute façon, t'es obligé de vivre avec le fardeau qu'elle est, Courtney Love, déjà en partant. Elle est haïe par plusieurs fans de Nirvana juste pour être qu'est-ce qu'elle est. À part de loin. Ouais, c'est ça. Fait que déjà, au départ, là, qu'elle finisse sa vie tranquille, qu'elle arrête de faire des folies ou des conneries, peu importe ce qu'on peut juger de ça. Et voilà, t'sais, le dossier, c'est fini. Kurt Cobain est mort depuis 16 ans. Dans 4 ans, on va fêter les 20 ans de sa mort. Pas les 20 ans du début de Nirvana. Ça, c'est déjà passé. T'sais. C'est 20 ans de sa mort. Là, c'est assez. Je prédis que pendant les prochaines années, Courtney Love va se mettre à vendre des grilled cheese avec la face de Kurt Cobain dessus. Elle serait bien capable. D'ailleurs, elle a perdu beaucoup d'argent parce que lorsqu'ils ont célébré en fait la messe en honneur de Kurt Cobain, donc après sa mort, elle s'est promenée puis elle donnait des chemises, des parties de vêtements de Kurt Cobain à tout le monde. Elle aurait pu garder ça pour vendre ça sur eBay quelques années plus tard. Ça aurait fait beaucoup d'argent. Ou surtout, elle aurait pu le garder en souvenir de son amoureux. T'sais, mais bon, ça, c'est vraiment loufoque hein, comme hypothèse. Ridicule, ouais, c'est son en souvenir. Ben, je sais qu'elle a gardé quelques trucs. Entre autres, sa fille a été prise en photo avec un des pyjamas qu'il portait. Le pyjama qu'il avait mis, même, je pense, à son mariage. Kurt Cobain. Il reste quelques artefacts, des guitares, des choses comme ça. Mais quand même, reste que. On peut toujours se poser la question. On doit toujours rester en suspens. Ça, c'est comme Elvis. C'est comme Paul McCartney dans un certain sens. Il va tout le temps avoir des gens pour douter. Voilà. Comme Brad et Angelina, c'est tellement un beau couple. Tu sais, Brangelina, qu'on les appelle. Moi, je les appellerais. Tu doutes de Brangelina? Ouais, c'est ça. Mais Courtney et puis Kurt, moi, je les appellerais Courtney. Petit nom qui les rattache. Oh, c'est donc mais beau. Ouais. Sur ce, merci beaucoup, Simon Fitzbé. Ça fait plaisir. Hey, je voulais dire. Hein, si jamais il y a des gens qui seraient intéressés à investir avec moi, le studio Abbey Road est à vendre. C'est seulement 50 millions de dollars. Hey, la petite argent, ça! Ah oui, EMI est dans le trou, fait qu'ils décident de se débarrasser de leur monument historique, ou en fait, leur bâtisse la plus historique. Je trouve ça un peu niaiseux, mais bon, 50 millions. On pourrait se partir une coopérative, peut-être? Ben oui, ce serait cool, ça. On pourrait enregistrer plein de choses là-bas. Ben oui. Encore une fois, ça revient à l'idée de vendre des coffrets DVD de nos émissions quotidiennes. Ben oui. Dont la tienne, qui est entre 7h et 9h du lundi au jeudi. Ça s'appelle On s'appelle et on déjeune. Quel beau lien. Ah oui, avec Sophie Laforêt, toi-même et un paquet d'autres chroniqueurs. Ben oui, Stéphane Morancy est revenu. C'est vrai, j'ai entendu ça. Très bon, ça. Ouais, c'est très le fun. Bonne idée. Sinon, ben, on te retrouve aussi à Crowd Rock. Ça, c'est les lundis soirs à 18h. Une émission de musique Crowd Rock. Hein. Ouais, et non pas Crow Rock, comme disaient les animatrices avant mon émission la semaine dernière. Crow Rock. Crow Rock. La musique qui meurt. La musique qui va du mordant. Et de l'humour qui grince, comme sur les affiches. En tout cas, il y a aussi l'émission Album Classique les vendredis matin à 10h, en rediffusion les mardis à 14h. Et ton assiette de Corée aux dates, format familial, buffet, etc. C'est les jeudis dans le dîner de con entre 11h et 13h. Yes. Et si vous avez raté la chronique de Simon aujourd'hui ou les Corée aux dates, c'est dans les meilleurs moments de C'est fou, les vendredis matin à 6h30 et les samedis à 14h. J'en perds mon latin. C'est incroyable. Beaucoup trop. On pourrait faire une émission juste pour plugger mes affaires. Ah, ben, en fait, on pourrait faire une émission chaque pour juste plugger nos émissions, les trois. Je pense que ça serait... J'adore aussi. Il y a comme un numéro qui apparaîtrait en bas de l'écran pour faire des dons aussi. Oui. on pourrait faire un lip dub pour... Non! Arrête, moi je suis un fan de lip dub. Je trouve ça cool. Eh hey, ben oui, t'es à la mode. On va en parler tantôt. C'est bien. Mais on va en parler des lip dubs tantôt, je pense. Avec les incorrigibles, je crois. Colin, ça va être cœur. Hey, t'as-tu vu ton nouveau logo avec les croissants? T'aimes ça, c'est oui, correct? J'adore, je voulais te dire. Franchement, félicitations. Très, très bon job. C'est pas comme si je pêchais pour avoir un compliment ici. Là. Du tout. Non, mais c'est très beau. Ça fait matin, ça fait réveil, ça fait très beau. Bon, alors, pendant que Mathieu et Simon vont continuer à aller discuter et à se flatter. Félicitations, Mathieu. Franchement, c'est vraiment très, très bien. Je t'aurais flatté le pad si t'avais eu un pad encore. Je suggère qu'on aille en pause pendant ce temps. Ah, bonne idée. Je vais rejoindre ta page Facebook, Mathieu Plante, designer graphique, quelque chose comme ça. Ah. À moins que ça soit pas toi. Et non, barre oblique, barre oblique, méga vedette, etc. Parlant de page Facebook, hein? À quand ta page Facebook de On s'appelle, on déjeune? Ah, quand je vais apprendre à écrire le français comme du monde. Donc, t'es-tu encore en train de travailler là-dessus? Toi, il me semble que ça fait des mois que je te vois gosser, puis je sais toujours pas ce que c'est. Ben là, c'est un vibromasseur, il me semble que c'est évident. Ben c'est parce que ça ressemble vraiment plus à un... Ah! Oh! Je pense que je vais recommencer. Kiwan et Mathieu, assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées du lundi au jeudi de 15 à 17 heures, assez fou.